bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, L'ours polaire de Hamrick. C'est une nouvelle écrite par Erskine Caldwell, écrivain américain né en 1903 de Géorgie en Arizona. Il a une vie très aventureuse, il a exercé tous les métiers les plus imprévus. C'est une nouvelle qui est parue aux éditions Gallimard sous le titre de Soleil du Sud et elle a été écrite en 1938. Donc je commence. L'ours polaire de Hamrick. Après l'hiver glacial, la plupart des gens cessèrent de s'inquiéter de l'ours polaire de Hamrick. Aussitôt que le soleil commença à se réchauffer et que les premiers bourgeons éclatèrent, les gens de toute la région, blancs ou noirs, se mirent à rire de la blague que Hamrick avait faite à tout le monde avec son histoire d'ours blanc. Et pourtant, au cours de cet hiver glacial, personne n'avait eu envie d'en rire. Il avait fait si froid qu'un ours polaire était à peu près le seul animal qui eût pu vivre dehors. On n'avait jamais vu un hiver aussi dur en Géorgie. « Taisez-vous, dit Doc, les gens sont prêts à croire n'importe quoi si on leur donne des détails précis. Moi, j'ai une tête solide et je ne coupe pas dans la première histoire stupide qui court le pays. » Doc Barnard était, comme presque tout le monde, une fois l'hiver passé. Maintenant que la tiédeur du printemps était arrivée, il disait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait jamais cru qu'il y ait eu un gros ours blanc du côté de chez Hamrick. « Taisez-vous, dit-il. La première fois que j'ai entendu parler de cet ours, j'ai pensé qu'il y aurait pas mal de gens pour croire bêtement qu'il y avait un ours polaire dans ce coin-là. » En avril, Hamrick déclara que l'ours était toujours là. Et si quelqu'un ne voulait pas le croire sur parole, il n'avait qu'à aller faire un tour dans les bois au-dessous de son pré et il verrait. Personne ne prêta grande attention à Hamrick, parce que le temps commençait à être doux et on oubliait combien il avait pu faire froid pendant l'hiver. Maintenant, on pensait aller à la chasse aux renards et à pêcher. Au début de mai, de bonne heure un matin, aussitôt après le petit déjeuner, l'ours monta les marches de la cuisine de Madame Félix Howard. Tous les hommes étaient partis pour labourer à l'autre extrémité de la propriété et Madame Howard était seule à la maison. Elle était en train de balayer la cuisine quand l'ours polaire s'avança sur la véranda. Elle raconta qu'elle avait beaucoup de choses en tête ce matin-là et qu'elle était présentement occupée à penser au rideau neuf qu'elle mettrait dans son salon. Elle balaya les détritus jusqu'à la porte de la cuisine et les poussa sur la véranda. Elle venait justement d'achever ce travail lorsqu'elle aperçut le gros ours blanc. « Nom d'une pipe !» fit-elle en donnant un grand coup de balai sur la tête de l'ours. « Descends de ma véranda !» L'ours sauta de la véranda, franchit la clôture et disparut en courant derrière le coin de la maison. C'était une grosse bête qui pesait bien 150 kilos, mais il avait le pied léger. Madame Howard rentra dans la cuisine et s'assit pour réfléchir à ce qu'elle allait faire pour le dîner. Elle en était aux oignons bouillis lorsque l'idée se fit jour en elle que l'animal qu'elle venait de frapper sur la tête quelques minutes auparavant était un ours. « Dieu du ciel !» s'écria-t-elle. « L'ours polaire de Hamrick !» Elle se mit à pousser un hurlement suraigu, traversa la maison en courant, s'élança sur la route pour aller chez son frère qui possédait un magasin et une pompe à essence. Elle arriva tout essoufflée. Qu'est-ce que tu as, Emma ? Lui demanda son frère Ed. On dirait que tu as vu un fantôme ou je ne sais quoi. L'ours polaire de Amrik, Ed, hurla-t-elle. L'animal est venu sur la véranda de la cuisine pendant que je balayais et je lui ai tapé sur la tête avec mon balai. Doc Barnard dit que l'ours polaire de Amrik n'a jamais existé, Emma. Tu diras à Doc Barnard que l'ours est venu à la porte de ma cuisine et qu'il était gros comme un veau d'un an. Ed prit un fusil et des cartouches. « Reste ici au magasin, Emma, » dit-il, mal à son aise. « Je vais aller chez Amrik. » En route, il s'arrêta plusieurs fois pour demander à des nègres s'ils avaient vu l'ours polaire ou s'ils en avaient entendu parler. Ils avaient tous entendu parler de l'ours, mais aucun n'en avait vu trace. Walter Amrik égrenait du maïs assis à la porte de sa grange. Quand Ed arriva. Emma est arrivée en courant au magasin il y a un petit instant et elle a dit qu'il y avait un gros ours blanc sur la véranda de sa cuisine, dit Ed. J'ai l'impression qu'elle a des visions ou alors que l'ours polaire dont tu as parlé tout l'hiver devient féroce. Il a mangé un veau de 6 mois dans mon pré une nuit de la semaine dernière, répondit Amrik. « Je n'en ai pas dit grand-chose parce que les gens croient encore que je suis un menteur quand je parle de ce maudit ours. Il vaudrait mieux que vous cessiez tous de me traiter de menteur et que vous m'aidiez à suivre sa piste et à la battre. » Ed s'assit et regarda les grains de maïs que les mains de Amrik laissaient tomber dans le baquet. « Du diable, si je ne crois pas finalement que tu dis vrai pour cet ours, » dit Ed. « Emma a dû le voir parce que je ne l'avais encore jamais vu si agité. »« Cette sacrée bête est affamée, » dit Amrik. « Pendant l'hiver, elle a passé presque tout son temps à dormir. Mais maintenant, il fait trop chaud pour qu'elle dorme et elle a besoin de manger beaucoup. Elle a dû sentir des poulets ou autre chose chez ta sœur pour monter comme ça sur la véranda. » La prochaine fois, elle tuera des vaches et des mulets pour les manger, et des humains. Ed se leva pour retourner au magasin. Comment imagines-tu qu'un ours polaire a pu arriver dans ce pays-ci ? Demanda-t-il. Je vous ai parlé tout l'hiver de cette sale bête, mais tout le monde me prend pour un menteur. Menteur ou non, je dis que ce sacré ours a dû s'échapper d'un cirque ou d'une foire l'automne dernier et qu'il s'est caché dans les bois. Il peut même s'être échappé à 300 ou 400 kilomètres d'ici et avoir fait tout le chemin jusqu'ici avant de s'installer pour dormir pendant les grands froids. Je vais aller chercher les Howard et peut-être aussi Doc Barnard, dit Ed. « La seule chose à faire, c'est d'organiser une chasse à l'ours et de ne pas le lâcher tant qu'on ne l'aura pas forcé et abattu. » Il laissa Amrik égrener son maïs sur le pas de la porte de sa grange. En chemin, il aperçut Honeycutt Brunch qui courait à travers son champ de coton. En voyant Ed, Honeycutt changea de direction et courut vers la route pour le retrouver. « Mais qu'est-ce qu'il y a, Honeycutt ?» demanda Ed. « T'as vu un ours ?»« Je comprends, monsieur Ed !» fit Honeycutt haletant. « Un grand gros ours blanc, un grand gros ours polaire, comme monsieur Walter Amrik en a parlé tout l'hiver. »« Où est l'ours maintenant ?»« Ma vieille lui a cogné la tête avec une bûche et l'ours s'est cavalé dans le bois. » On dirait que c'est le beau sexe qui finira par lui faire son affaire à cet ours. J'ai dit à ma vieille qu'il fallait qu'elle soit folle pour taper sur la tête d'un ours. Mais elle a dit qu'elle était tellement furieuse qu'il lui a saccagé son plant de patates douces dans le jardin qu'elle n'avait pas eu le temps d'avoir peur. Cet ours a tué un veau chez Walter Amrik la semaine dernière, fit Ed. Il aurait vite fait de tuer un humain. Ça se pourrait bien, monsieur Ed, dit Hunnicutt, en reculant d'un pas et en jetant un coup d'œil derrière lui. Sûr que ça se pourrait bien. Ed reprit vivement la direction de son magasin et de sa pompe à essence. Sa sœur se précipitait vers lui. Elle l'arrêta au milieu de la route. « Madame Bernard vient de téléphoner à l'instant que l'ours de Amric était venu chez elle. Elle dit qu'elle s'est barricadée dans sa chambre et qu'elle n'ose pas en sortir. Elle a aussi parlé de ses filles, mais elles étaient si affolées que je n'ai pas compris ce qu'elle voulait en dire. » Ed ne s'attarda pas à poser des questions. Il repartit sur la route en courant pour aller chez Doc Bernard. C'était à 500 mètres de là. Il s'arrêta et fit basculer le canon de son fusil pour s'assurer qu'il y avait bien deux cartouches dedans. Quand il arriva à la maison de Barnard, il n'y avait personne en vue. L'ours polaire de Hamrick ne donnait pas signe de vie, lui non plus. Il frappa à la porte. Il entendit aussitôt Madame Barnard déplacer quelques chaises. Puis, elle souleva le panneau d'une fenêtre de quelques centimètres. « Où est l'ours, Madame Barnard ?»« Dieu le sait !» s'écria Madame Barnard. « Où sont mes filles ?» Les deux sœurs Barnard, âgées de 18 à 20 ans, habitaient chez leurs parents cette année-là. On les avait envoyées à l'école pendant un ou deux ans, mais depuis l'automne, elles étaient rentrées pour chercher du travail en ville. « Nelly et Gussie sont-elles à la maison ou dehors ?»« Elles étaient à la maison avant que l'ours n'arrive, » dit Madame Barnard. « Elles étaient dans leur chambre en train de s'habiller pour sortir en ville quand l'ours est entré. »« Je suppose qu'elles ont sauté par la fenêtre tellement elles ont eu peur. Le doux Seigneur seul sait ce qu'elles sont devenues. » Ed traversa la cour pour aller voir sur la route si personne ne venait aider à chercher l'ours. Il avait oublié de dire à Emma de téléphoner pour demander du renfort, mais il supposait qu'elle avait gardé assez de présence d'esprit pour avoir l'idée de le faire. Il ne vit personne. Aussi, il fit le tour de la maison, prêt à tirer au cas où il apercevrait l'ours polaire de Amric. Derrière la maison, tout le terrain était couvert de plumes de poules blanches et rouges. Il semblait qu'on avait éventré deux ou trois matelas de plumes et qu'on en avait éparpillé le contenu sur le sol. L'ours de Amric avait nettoyé le poulailler. À en juger par la quantité de plumes qui voltigeaient çà et là, il devait avoir dévoré 20 ou 25 poules et poulets. Ed découvrit des traces qui lui parurent être celles d'un ours et qui menaient à travers le champ de coton jusqu'à un petit boqueteau éloigné de 300 ou 400 mètres. Le terrain était mou et les traces étaient faciles à suivre. Ed n'était pas plutôt arrivé à un fourré qui bordait le boqueteau qu'il entendit une sorte de bruissement. Il épaula son fusil prêt à tirer à la seconde même où il verrait l'ours revenir sur lui. « Ne tirez pas, monsieur Ed !» vociféra quelqu'un. « Je vous en supplie, ne me tuez pas !» Ed abaissa un peu son arme. « Qui est là ?»« C'est moi, monsieur Ed. C'est Hunnicutt Branch. »« Qu'est-ce que tu as, Hunnicutt ?» « Je crois que je vais mourir de peur, monsieur Ed. » Ed posa à terre la crosse de son fusil et essaya de distinguer Hunnicutt à travers la broussaille. Le nègre était à genoux, blotti dans le fourré et cramponné à un arbrisseau. « Mais qu'est-ce qui t'a fait peur ?» lui demanda Ed. « C'est encore ce grand gros ours blanc polaire, monsieur Ed. C'est l'ours polaire qui m'a fait peur. » « Où l'as-tu vu cette fois-ci ? » ? Ici même, là-dedans, dans le fourré, monsieur Ed. Je l'ai vu qui venait de chez Madame Barnard et qui se sauvait dans le champ de coton. Alors j'ai couru me cacher dans le fourré. Et avant que j'y aie rien compris, Il était là aussi. Il a lutté avec moi. Il a lutté avec toi? Je vous assure, j'ai jamais vu un ours capable de lutter comme ça. Il n'avait pas l'air du tout d'avoir envie de me manger. C'était pour s'amuser, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il est arrivé, il a mis ses grandes pattes autour de moi et il m'a forcé à lutter. Je ne tenais pas du tout à lutter avec lui, mais il m'a forcé à lutter. « Tu es un menteur, Nicut, » dit Ed. « Tu es un gros menteur noir. »« Je vous jure que je vous dis la vérité, monsieur Ed, » protesta Nicut. « Vous savez bien que je ne voudrais pas vous mentir. » L'ours m'a forcé à lutter avec lui jusqu'à ce qu'il m'ait mis sur les deux épaules. Alors il s'est redressé tout debout sur ses jambes de derrière et il a levé une patte comme celui qui est vainqueur dans un match de lutte. Ed s'avança dans le fourré et trouva bientôt un emplacement où les broussailles avaient été fraîchement foulées et écrasées. « Tu vas aller chercher tous les Howard, Nicut, et tu iras au magasin dire à Mademoiselle Emma de téléphoner à tous les gens auxquels elle pourra penser de venir nous aider à chasser cet ours. » En sortant du fourré, Ed suivit un chemin de bûcherons qui descendait la colline. En bas, au bord d'une clairière, il y avait une cabane. Aucun bruit n'en sortait, mais il estima préférable de regarder à l'intérieur, pendant qu'il y était. Il passa la tête par l'entrée et recula de 3 ou 4 pas avant de pouvoir reprendre son équilibre. « Qu'est-ce que... Mais qui est-ce qui ?» balbutia-t-il. Bientôt, la tête de l'aînée des filles, Barnard, se montra au coin de la porte et se retira aussitôt. « C'est toi, Nelly ?» demanda Ed. « Qui est avec toi ?» Gussie risqua un œil. « C'est l'ours qui vous a poursuivi toutes les deux jusqu'ici ?»« Bien sûr que c'est lui, fit Nelly. » Et on courait encore s'il n'avait pas fait demi-tour pour aller dans le champ de maïs. « Bon, eh bien, sortez, dit-il, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, vous n'avez pas à avoir peur, je poursuis l'ours pour le tuer. »« On ne peut pas, fit Nelly d'une voix faible. « Pourquoi ça ?»« L'ours est entré dans la maison pendant que nous nous habillons et nous n'avons pas eu le temps de mettre nos vêtements. » « Alors, dit-il, il va falloir que vous attendiez ici qu'on vous apporte quelque chose à vous mettre dessus, ou bien que vous rentriez comme vous êtes. Je n'ai rien en trop sur moi, sans ça je partagerai avec vous. » Il fit demi-tour et s'avança à travers le champ de maïs en cherchant les traces de l'ours sur la terre meuble. À une centaine de mètres, il jeta un coup d'œil vers la cabane par-dessus son épaule. « Il n'y a pas de trace de porte pour fermer votre cabane, Nelly » cria-t-il. « Et si l'ours polaire se mettait en tête de revenir par ici, il n'y aurait rien pour l'empêcher d'entrer. » Il se remit à marcher à travers le champ de maïs. Soudain, il entendit un remue-ménage derrière lui. En se retournant, il vit Nelly et Gussie qui s'enfuyaient à toutes jambes derrière la cabane pour gagner le bois. Elles n'avaient pas la moindre apparence de vêtements sur elles, excepté leurs bas. Avant qu'il ait eu le temps de cligner des yeux, elles avaient disparu dans le bois. À une certaine distance dans le champ, il aperçut le sommet d'un prunier qui s'agitait violemment. Il s'avança à pas feutrés, le fusil levé, l'œil fixé sur l'arbre. Quand il ne fut plus qu'à 5 mètres, il vit presque à la cime l'ours polaire de Hamrick qui, de ses pattes de devant, secouait l'arbre de toutes ses forces. Il semblait que l'ours avait grimpé dans l'arbre, avait mangé une prune pas mûr, et en avait été si furieux qu'il essayait de faire tomber tous les fruits encore verts. Ed épaula son fusil de chasse. mais l'ours le vit au même moment et il se laissa glisser jusqu'au sol à quelques pas d'Ed. Celui-ci trouva le point de mire juste à temps pour appuyer sur la détente avant que l'ours n'ait eu le temps de le charger. Rien ne se produisit. Il appuya sur la deuxième détente et rien ne se produisit non plus. L'ours était déjà sur lui, arrachait le fusil de ses mains et l'enserrait entre ses pattes de devant. Ed tomba par terre, ruant, criant, égratignant. L'ours faisait d'affreuses grimaces, comme s'il essayait de chasser de sa bouche le goût de la prune pas mûre. À l'instant où Ed croyait que sa dernière heure était arrivée, il pensa tout à coup à Honeycutt. Il se roula sur le dos et étendit les bras en croix. Aussitôt, l'ours se dressa sur ses membres postérieurs et leva sa patte droite au-dessus de sa tête. Léo Ward, Walter Amrich et une foule d'autres accouraient vers lui à travers le champ de maïs. Ed se remit sur pied et fit des gestes des bras en criant aux autres de ne pas tirer. Il défit sa ceinture, la passa autour du cou de l'ours et conduisit celui-ci vers les hommes. Il cherchait simplement un petit quelque chose à manger, dit Ed en écartant leur fusil. C'est un ours savant, un ours lutteur. Il ne fera de mal à personne. Si on le nourrit et si on lutte avec lui de temps en temps, il sera gentil tout plein. Je pense qu'il devait mourir de faim et d'envie de lutter. La foule écarquillait les yeux, ne sachant que dire. Ed ouvrit la marche vers la route en tenant le bout de sa ceinture passé autour du cou de l'animal. L'ours polaire de Amrich trottinait à côté de lui, doux comme un agneau. Eh bien, voilà mon histoire d'ours dressé. Eh bien, j'ai trouvé une petite chanson, là. Jean-Michel Karadec, Le montreur d'ours. Vous passerez une excellente semaine sur Radio Gémozo et à tout bientôt. Des baguettes sur la peau du tambour. Et mon ours va vous faire quelques-uns de ses tours. Le museau vers les anges et au bout une orange à petit air de musique. Il vous danse la chic. Il fait peur, il est dérisoire, balançant de ça de là, comme s'il portait à bout de bras le monde et vos pauvres histoires. Approchez, venez voir tous, dansez la danse de l'ours. Faites pleuvoir un peu vos sous, et alors moi, je vous joue la musique de carnaval qui fera danser l'animal. Copain, il me gagne mon pain. Mais faites attention pourtant, car il a toutes ses dents. De bourgade en village et autour de la terre, on se promène tous les deux, c'est vrai qu'on fait la paire. Cet ours est mon copain, il me rend magicien. Change en or la poussière dans le rond de lumière. Et quand je soupe, moi son maître, en le lorgnant par la fenêtre, puis enchaîné à un anneau qui servait avant aux chevaux. Les chiens montrent les dents en un cercle prudent. Les enfants sans parler, les fixes fascinés. Moi, je vous chante mes histoires pour vous faire rêver dans le noir. Et quand la lumière revient, je crois que je ne suis plus rien. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez me toucher encore, comme si je fabriquais un homme qui pourrait changer votre vie en une chanson assez jolie pour faire danser l'ours en vous. Musique de carnaval.